Je suis se dit estoy. Estoy. Ça s'écrit E-S-T-O-Y. Estoy. Pour dire je suis occupé, occupé c'est ocupado, qui s'écrit O-C-U-P-A-D-O. Le U se prononce toujours O. Hein? Ocupado. Ça s'écrit comme ça, ça se prononce donc avec un seul C. Ocupado. Alors, je suis occupé. Si c'est un homme qui parle, c'est... Estoy ocupado. Oui, estoy ocupado. Mais si c'est une femme qui parle, elle dira... Estoy ocupada. Estoy ocupada, tout à fait. Estoy ocupada. Le mot pour dire fatigué est cansado. Cansado. Cansado ou cansada. Donc, je suis fatigué. C'est un homme qui parle, c'est... Estoy cansada. Cansado. Estoy cansado. C'est ça. Estoy cansado. Dans votre cas. Parce que vous êtes un homme. Tandis que vous, une femme, vous direz... Estoy casada. Ah non, estoy cansada. Cansada. Cansada. Cansada. Estoy casada, ça existe. Mais si on enlève le N de cansado, et on dit casado, ça veut dire que vous êtes marié. Oh. Alors, c'est pas pareil. Hein? Casado, en fait, vous reconnaissez le mot casa. Hein? Casa, c'est la maison. Et casado veut dire marié. Hein? En français, c'est vrai qu'on dit quelqu'un qui est marié, qu'il est casé. Mm-hmm. Alors, bon, marié en espagnol est casado, mais vous n'êtes pas marié, vous êtes fatigué. Donc, estoy cansada. Estoy cansada. Hein? Cansada parce que vous êtes une femme. Alors, encore une fois, je suis se dit... Estoy. Estoy. Et... Aujourd'hui, je ne suis pas très occupé. Aujourd'hui, c'est hoy. H-O-Y. Hoy. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas très occupé. Vous êtes une femme. Hoy no estoy muy ocupada. Ocupada. Hein? Le U se prononce toujours O. Ocupada. Ocupada, oui. Hoy... No estoy muy ocupada. D'accord. Et maintenant, c'est à vous de dire « Aujourd'hui, je ne suis pas très occupé. » Donc, comment dit-on quand c'est un homme qui parle ? Hoy, no estoy ocupado. Très occupé. Oui. Hoy, no estoy muy ocupado. Bien. Hoy, no estoy muy ocupado. Pour dire « vous êtes » à quelqu'un qu'on vous voit, on dit « está ». Donc, « vous êtes occupé », si l'on s'adresse à un homme, ça sera « está ocupado ».« Está ocupado », si vous parlez à un homme. Et si vous parlez à une femme, ce sera « está ocupada ». C'est ça, « está ocupada ». Donc, si vous voulez demander à une femme « Est-ce que vous êtes occupé maintenant ?»« Está ocupada ahora ?» D'accord. « Está ocupada ahora ?» Et si vous posez la même question à un homme, « Est-ce que vous êtes occupé maintenant ?»« Está ocupado ahora ?» C'est ça. « Está ocupado ahora ?» Ouais. Et comment est-ce que vous écrivez esta? E-S-T-A. E-S-T-A. D'accord. Mais E-S-T-A, ça se prononcerait esta, comme dans esta noche. Ah oui. E-S-T-A-R. E-S-T-A-R. Ça serait estar. Estar veut dire être. Estar, c'est le verbe être. Mais je n'ai pas dit estar, mais está. D'après la règle du son, ce sera... Ah oui, E, S, T, A avec un accent. Voilà, c'est ça, hein? Sur le A, un accent sur le A. D'accord, hein? Ça y est, vous y êtes. Está, hein? E, S, T, A, avec un accent sur le A, hein? Un accent aigu. Ce qui permet de faire la différence entre está, vous êtes, et esta, sans l'accent, qui veut dire cette, comme dans esta noche, cette nuit, ce soir, ou esta casa, cette maison. Mais esta, esta, E, S, T, A, avec un accent aigu sur le A, veut dire vous êtes. Alors, si vous voulez dire où êtes-vous? Comment dit-on déjà où? Donde. Donde. Hein? Donde. Donde. Donc, où êtes-vous? Où êtes-vous maintenant? Donde. Êtes-vous? Esta. Bien, dis-la encore une fois. Donde. Esta. Donde esta. On ne marque pas de pause entre « donde » et « esta », on les prononce d'une traite. Parce que « donde » termine par un « e » et « esta » commence par un « e ». Donc, on les prononce comme un seul « e » un peu plus long. « Donde esta hein? » Maintenant ?« Ahora ». D'accord. « Donde esta ahora ?»